Cela se passe de tout commentaire. Je m'en vais vous présenter quelqu'un qui est docteur dans l'art de danser. J'allais dire, l'orchestre qui joue sous la direction de Sek Bidens, direction artistique de Sek Bidens. Et je rends hommage à Mokonzi, Mokokaka, FBI, José Kongolomi Beko. Voici le docteur en danse, Zimbabwe.